Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, aurons-nous un jour des ordinateurs quantiques ? Dans nos ordinateurs actuels, les cases mémoire sont constituées d'éléments qui ne peuvent prendre que deux valeurs, exclusives l'une de l'autre, soit 0, soit 1. Ces bits classiques, comme on les appelle, sont en somme comme les interrupteurs muraux nous servant à allumer nos plafonniers. Ils sont soit en position allumée, 1, soit en position éteint, 0. Leur effet mémoire vient de ce que, une fois mis dans l'une ou l'autre des deux configurations possibles, ils la conservent, jusqu'à ce que leur contenu soit modifié pour les besoins des calculs à effectuer. Mais que se passerait-il si l'information était portée par des objets non plus classiques, mais quantiques ? Elle pourrait alors, de ce seul fait, être manipulée sous forme d'états plus ambigus que ceux des bits classiques. On disposerait ainsi de bits dits quantiques. Qu'aurait-il de fondamentalement différent ? D'abord, au lieu de prendre seulement les valeurs 0 ou 1, il pourrait être mis dans n'importe quelle combinaison de ces deux valeurs, c'est-à-dire dans une infinité de positions, correspondant à un peu de 0 plus un peu de 1. Ensuite, contrairement à celle contenue dans un bit classique, l'information d'un bit quantique n'est pas bien déterminée. La seule chose que l'on puisse connaître, c'est la probabilité de le trouver à l'issue d'une mesure, soit dans l'état 0, soit dans l'état 1. Des chercheurs ont pu démontrer qu'un ordinateur fonctionnant avec de tels bits quantiques, en bref, un ordinateur quantique, serait en théorie capable d'effectuer en même temps toutes les opérations correspondant à toutes les valeurs que peuvent prendre les bits quantiques. Grâce à de nouveaux algorithmes de calcul, de telles machines auraient ainsi une efficacité beaucoup plus élevée que celle des machines actuelles, du moins pour certains types d'opérations. Ce domaine de recherche à la frontière de la physique et de l'informatique est devenu très actif. Mais les travaux des chercheurs déboucheront-ils un jour ? Aurons-nous un jour des ordinateurs quantiques sur nos bureaux ? Pour répondre à cette question, j'ai invité une sorte d'ordinateur quantique, vivant, un homme qui a des vies parallèles intriquées les unes aux autres, un homme qui est ou a été ingénieur, dirigeant d'entreprise, administrateur de société, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, professeur à Harvard, président du directoire du groupe Atos, président de l'Association nationale de la recherche et de la technologie, membre de l'Académie des technologies et j'en passe. Bonjour Thierry Breton. Bonjour Étienne. Merci d'être venu à cette émission pour nous parler en tant qu'industriel, est-ce que je peux le dire comme ça, oui, d'un projet qui vous fascine, l'ordinateur quantique. J'ai cru remarquer que vous êtes un homme beaucoup plus intéressé par le futur que par le présent. J'ai trouvé d'ailleurs deux romans que vous avez écrits lorsque vous étiez plus jeune, nettement en plus 1984. Jeune. Le premier que vous avez publié avec Denis Bénèche, oui, c'est ça, s'intitule « Software, la guerre douce ». Et ça raconte beaucoup de choses qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on parlait déjà de l'intelligence artificielle en 1984 et si oui, en quels termes ? On en parlait, on commençait à en parler un petit peu. Vous savez, c'était à l'époque où au Japon, on parlait des ordinateurs dits de cinquième génération, qui était précisément un vaste programme qui avait été lancé par le gouvernement japonais pour prendre la suprématie, le leadership sur les États-Unis en matière d'informatique. Mais surtout, avec Denis Bénèche, j'avais écrit ce livre. C'est vrai que c'est il y a quelques années, j'avais 26 ans. Pour finalement démontrer que avec la puissance de l'information, on pouvait peut-être envisager de déstabiliser un pays. Et j'imaginais comment les États-Unis pouvaient, à l'époque on était en pleine guerre froide. Oui, c'était 5 ans avant la chute du mur. C'était 5 ans avant la chute du mur et le COCOM empêchait toute pénétration ou diffusion de technologies de l'Ouest vers l'Est. Et j'imaginais comment les Américains avaient pu piéger l'Union soviétique et finalement accélérer son effondrement. C'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui on voit effectivement qu'on est dans cette guerre de l'informatique, de l'information. En fait, on parle effectivement de pays qui déstabilisent ou se déstabilise, ou qui déstabilise la démocratie. C'est plutôt de l'Est vers l'Ouest que ça a l'air de se passer. Donc vous voyez, on a c'est un livre en partie prophétique qui a coûté, enfin, coûté 75 francs, c'est écrit sur la quatrième de couverture. Et quelques temps plus tard, 2 ans après, je crois, vous avez récidivé avec un autre roman écrit, cette fois tout seul. Il coûtait 89 francs. Il est un peu plus gros, peut-être. Il s'intitule Vatican III. Et il parle de la vraie guerre des étoiles qui commence, celle des satellites idéologiques. Oui, alors, autant Soft War, c'était vraiment la guerre douce, c'est le premier livre qui parlait des virus informatiques, je crois que c'était le premier qui a été effectivement, qui a eu un certain succès à l'époque, puisqu'il était traduit dans plus de 24 pays, tiré à 2 millions d'exemplaires au total. Vatican III, c'était un livre que j'avais imaginé pour essayer de conceptualiser, là on était effectivement en 1986, pour essayer d'imaginer ce que l'avènement des communautés informationnelles pourrait créer comme changement, comme bouleversement dans les comportements, dans nos comportements, mais aussi comme facteur de déstabilisation de nos sociétés, et y compris géopolitique. C'était 10 ans avant Internet, et c'était effectivement la réflexion sur ces communautés informationnelles hors frontières aujourd'hui, qui organise, structure finalement ce qu'on peut appeler tout simplement le quatrième espace. Il y a eu 3 espaces, terrestre, maritime, aérien. Il y a désormais un quatrième espace, l'espace informationnel, et je me passionnais pour essayer d'imaginer ce qui se passerait dans ce quatrième espace. Les guerres d'un côté, software, et puis une organisation sociale finalement assise sur des passions qui relient les hommes entre eux. On va pas raconter le roman, mais en fait, c'est l'histoire d'un projet qui est démasqué, dont le but est de rassembler tous les catholiques de la planète pour faire du plus petit état du monde, le Vatican, le grand pays logique du 21e siècle. Oui, j'essayais de démontrer comment on peut effectivement, dans ce quatrième espace informationnel, démontrer comment ce détachement, en fait, de l'espace informationnel par rapport aux espaces territoriaux qui ont façonné, évidemment, par le hasard des géographies de la planète et du relief, finalement, nos bassins de culture, eh bien, finalement, cette espèce de logique théardienne où l'information est partout et nulle part, on commence déjà presque à parler de physique quantique sans le dire, vous voyez, et finalement, dans lesquels chacun peut retrouver ce qu'il veut, et surtout vivre en communauté où qu'il se trouve. Alors, je vous ai présenté de multiples façons, mais le point qui va surtout compter dans cette émission, c'est que vous êtes président d'Atos. Qu'est-ce que c'est qu'Atos ? Alors, Atos, c'est une société qui regroupe 100 000 ingénieurs. Nous sommes une société d'ingénieurs. On est vraiment des scientifiques chez Atos, et je fais en sorte que nous le soyons de plus en plus. Nous sommes une entreprise qui accompagne les entreprises dans leur développement numérique. De plus en plus, nous sommes là pour stocker l'information de nos clients, pour en traiter en créer de la richesse, en faire de la valeur, redéfinir précisément les modèles économiques qui vont fonder l'activité de nos clients. C'est évidemment tout ce qu'on appelle la transition numérique, la révolution numérique. J'aime pas beaucoup ce terme parce que pour moi, et on en reparlera tout à l'heure, la vraie révolution, elle est plutôt plus quantique que numérique. Les premiers aspects numériques sont que la partie tout à fait émergée de l'iceberg de ce que la physique quantique et les applications quantiques vont apporter au 21e siècle, mais on en reparlera. Et nous, au fond, on est une entreprise de technologie de l'information. Je crois qu'on est aujourd'hui le leader en Europe, l'un des 5 premiers mondiaux, présent dans 72 pays et avec de plus en plus de technologies pour précisément stocker, traiter les données de nos clients et évidemment les protéger, parce que cette fameuse or noir que représentent les données des entreprises devient maintenant un enjeu absolument essentiel. Ce que j'écrivais dans Software il y a 35 ans est devenu plus qu'une réalité aujourd'hui. Alors Thierry Botton, on l'a dit dans la présentation de l'émission, on va parler de l'ordinateur quantique. J'aurais pu inviter un physicien pour en parler, notamment Serge Haroche, prix Nobel de physique, qui s'intéresse à cette question, ou bien Cédric Villani, qui s'intéresse aussi aux algorithmes qui permettent de les faire travailler. Mais j'ai préféré avoir votre regard d'industriel qui collaborait avec ces gens, d'ailleurs. Avec, oui, on peut citer également, bien sûr, Alain Aspect. Alain Aspect qui a découvert, expérimentalement la non-séparabilité. Et qui a démontré surtout les inégalités de Bell, qui a été vraiment une révolution pour tous ceux qui, comme moi, se passionnent pour la physique quantique depuis toujours. Et il a montré leur violation, plutôt. La violation et puis l'intrication, en fait. Avec alors, comment vous définiriez alors, l'intrication c'est deux principes, d'abord, effectivement, sur lesquels on se repose. C'est évidemment la superposition et puis c'est l'intrication et c'est surtout la superposition en fait qui nous permet le principe de superposition en physique quantique qui nous permet aujourd'hui de commencer à réfléchir, à travailler sur les ordinateurs quantiques. Est-ce qu'ils verront un jour le jour? Je crois que nul peut le dire, mais en tout état de cause, ce qui est certain, c'est que ça modifie considérablement notre façon de voir aujourd'hui le traitement de l'information. La superposition, c'est, vous l'avez évoqué dans votre introduction, c'est évidemment... Mais je n'ai pas prononcé le mot, je parlais de combinaison, ça veut dire que si A et B sont deux états possibles d'une particule ou d'un système, A plus B, la somme, est aussi un état possible. Est aussi un état possible, et évidemment, tant qu'on ne mesure pas ce qui se passe dans un système précisément, eh bien tous ces états cohabitent, coexistent. C'est uniquement lorsque l'on fait la mesure, que l'on fige à ce moment-là, et qu'on passe de la cohérence à la décohérence, et qu'à ce moment-là, il faut recommencer. Mais on n'a plus qu'une probabilité, en fait, qui devient une réalité, et on perd cet état de superposition qui rend effectivement extraordinaire, en tout cas de façon conceptuelle, telle que Feynman était le premier à l'imaginer en 64 ou 65, je ne sais plus très bien. C'est vrai que utiliser ces fameux qubits. Un qubit, c'est ce que j'appelais un bit quantique. C'est ce que vous appeliez le bit quantique, c'est-à-dire la capacité, encore une fois, d'avoir dans un système, eh bien, tous les états possibles superposés, et donc une multitude d'informations. Là où effectivement, dans le bit, vous l'aviez rappelé, on n'a que le 0 et le 1. Alors, mettre ces qubits en relation les uns aux autres donne des capacités de calcul absolument exponentielles du reste au vrai sens du terme. Si on a n cubique, on a 2 puissance n capacité de calcul potentielle avec un système massivement parallèle et naturellement en utilisant les lois de la physique quantique, bien, ouvre des perspectives absolument considérables si jamais tout ceci fonctionne. Alors quant à l'intrication, c'est une toute autre notion, c'est évidemment le fait que deux particules élémentaires, en physique quantique évidemment, lorsqu'il se passe quelque chose sur l'une, lorsqu'elles ont été intriquées, il se passe exactement la même chose sur l'autre où qu'elle se trouve. Quelle que soit la distance qui les sépare. Le principe de localisation disparaît, évidemment, et le système demeure. On imagine à ce moment-là tout ce que ça peut produire, notamment en matière de sécurité, de transfert des données. Certains appellent ça un peu trop rapidement la téléportation quantique, ce qui est un très mauvais terme. Vous voyez, je viens de le prononcer, je regrette déjà de l'avoir prononcé, parce qu'il a des connotations qui sont plus liées à la science-fiction. C'est pas de la science-fiction, on fait aujourd'hui de l'intrication. Alain Aspect a été le premier à le faire, et aujourd'hui, par exemple, Nicolas Gisin à Genève, a réalisé des expériences, plus que des expériences du reste, en utilisant l'intrication pour crypter sur plusieurs kilomètres de façon totalement inviolable des transferts d'informations. Alors, par ce principe. On va y revenir en détail, mais là on va utiliser la téléportation dans un sens métaphorique, parce que la musique permet une forme de téléportation, et vous avez choisi comme premier morceau Tabula Rasa du compositeur estonien Arvo Pärt. Oui, on va l'écouter et ensuite vous nous expliquerez votre choix. Thank you. Thierry Breton, Tabula Rasa, du compositeur estonien Arvo Pärt. C'est une composition de 1977. Votre explication de ce choix ? Arvo Pärt est pour moi l'un des plus grands compositeurs contemporains. Vous l'avez rappelé, il était estonien. Il a composé cette œuvre, donc il était encore derrière le mur. Il était dans le régime soviétique. J'ai eu la chance de le rencontrer dernièrement. Pour moi, c'est une œuvre, la transition de la musique sérielle à la musique minimaliste. Et on parle, au cours de cette conversation, Étienne Klein, des applications de la physique quantique, de la mécanique quantique. Eh bien, ça résonne en moi. Ça résonne en moi par rapport à tout ce qu'on se dit. Vous avez entendu... Vous diriez qu'il y a quelque chose de quantique dans cette musique ? Je suis très... Vous avez vu le silence après l'ouverture, donc pour les deux violons et le piano. Ce silence est d'une densité absolument incroyable. Il a réussi à rendre ce silence plein, un peu comme le vide quantique. Qui est plein de choses. Qui est plein de choses, qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Et c'est cette résonance que j'ai voulu vous proposer. Alors avant de passer ce morceau magnifique... Vous nous avez ouvert des perspectives vertigineuses en vous en passionné. C'est d'ailleurs parce que je vous ai entendu en d'autres lieux exprimer cette passion que j'ai choisi de vous inviter. Mais on va reprendre les choses pas à pas si vous voulez bien. Il y a une fameuse loi que les physiciens, les ingénieurs invoquent souvent, c'est la loi de Moore, qui date de 1964, qui a été énoncée par un ingénieur anglais. Et vous dites qu'elle est en train de devenir fausse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, on le dit parce que chez Atos, on fabrique les plus gros, les plus puissants ordinateurs, parmi les plus puissants ordinateurs au monde. Donc, ce qu'on appelle des HPC, des ordinateurs extraordinairement puissants pour la météo, pour la médecine, pour la recherche, mais aussi pour des applications plus militaires. Et avec nos ingénieurs, et on n'est pas les seuls, vous faisiez référence à Gordon Moore, qui a été un très grand ingénieur de chez Intel, on se rend compte qu'aujourd'hui, les ordinateurs sur lesquels nous travaillons, on est quasiment, maintenant, on travaille à la limite de la matière. Au fond, on travaille avec l'informatique actuelle, vous l'avez rappelé sur ces principes de 1 et 0, en gravant du silicium. On le grave aujourd'hui à peu près à 10 nanomètres. 10 nanomètres, pour donner un ordre de grandeur, c'est une petite centaine d'atomes. Et évidemment, vous vous rendez bien compte que pour pouvoir intégrer ces milliards de transistors et de circuits intégrés sur les puces de silicium dont on a besoin pour avoir de plus en plus de puissance de calcul, il faut donc graver au niveau nanométrique. Avec de la lumière. Avec de la lumière, évidemment. Et là, eh bien... Étienne Klein, à partir de ces distances, on commence à avoir des effets quantiques. On commence à passer en fait des règles de la physique classique, les équations de Maxwell en particulier, sur lesquelles repose encore la méthode de fonctionnement classique de nos ordinateurs. Thermodynamique aussi, parce qu'il faut beaucoup extraire de chaleur. Oui, il y a un problème thermique. Beaucoup, beaucoup de thermique. Et évidemment, il va donc falloir qu'on, maintenant, on touche aux limites de la physique classique pour entrer dans la physique donc subatomique, pratiquement. Et donc, les effets quantiques commencent à se faire ressentir. Et donc, on arrive aux limites de la loi de Moore. Mais qu'est-ce qu'elle disait, cette loi de Moore ? Cette loi de Moore disait que tous les 18 mois, on avait finalement vérifié de façon empirique que l'on savait doubler le nombre de circuits et de transistors qui étaient intégrés sur des puces de silicium et donc d'augmenter cette capacité de traitement. On l'augmente d'un facteur 2 tous les 18 mois. C'est un peu comme le joueur d'échecs, vous voyez, hein, et les grains de blé qu'on met dessus pour le récompenser. Voilà, on double à chaque fois et après ça, on n'a plus assez de blé. Et ça, c'est une loi empirique, hein, qui est résultat de l'analyse du passé, puis elle a fonctionné de façon presque prédictive pendant... plusieurs décennies. Et on se rend compte aujourd'hui que pour faire les futurs ordinateurs, alors les ordinateurs, aujourd'hui on a des ordinateurs pétaflopiques, c'est-à-dire des ordinateurs qui traitent un million de milliards d'informations par seconde, c'est les ordinateurs sur lesquels nous travaillons. Nos clients, et en particulier le CEA, nous demandent désormais de travailler sur des ordinateurs hexaflopiques, pour les propres besoins du CEA, que ce soit des besoins civils ou des besoins militaires, la simulation de l'arme nucléaire. Là, on est à 1 milliard de milliards d'informations par seconde. on va savoir le faire. Mais au-delà, on sent bien qu'il va falloir sans doute changer de paradigme. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire qu'on observe une saturation des capacités des machines classiques ? Je pense qu'on est plutôt à la limite de la physique. On est à la limite de la physique qui nous a permis de construire ces machines. Et la très bonne nouvelle, c'est que du coup, on est forcé à explorer, eh bien, les lois de la physique de la matière dans son intimité pour essayer désormais d'aller plus loin. La très bonne nouvelle, c'est qu'on commence à le faire. On commence à le faire avec ces fameux qubits dont on parlera encore tout à l'heure, mais c'est extrêmement difficile. Pour éviter les problèmes d'interaction de ces qubits avec le monde extérieur, il faut travailler quasiment au zéro absolu. Température. Moins 273 degrés, quelques millièmes de degrés supplémentaires. Vous voyez, donc on est donc c'est très compliqué à réaliser, mais on commence à le faire en laboratoire. Et donc, oui, on est à la fin de la loi de Moore, mais on est au début de quelque chose d'autre. Mais vous dites, il y a des besoins de calcul qui vont aller croissant. C'est comme si le futur imposait sa loi au présent. C'est-à-dire, on estime les besoins de calcul du futur à partir du développement des objets connectés, de ce qu'on appelle le big data. Et c'est comme si le futur tel qu'on l'imagine faisait pression sur notre activité présente en disant, vous devez absolument augmenter les capacités de calcul. Dans l'anthropomorphisme, je dirais, dans lesquels on évolue, y compris à travers les sciences, on a numérisé, on a représenté notre environnement sous forme, vous le rappeliez tout à l'heure, de 1 et de 0. Bon, et il en faut de plus en plus pour le représenter, parce que on se rend compte qu'on peut de plus en plus traiter, stocker de l'information, et qu'en traitant ces informations, on fait des tas de choses qu'on ne pouvait pas imaginer auparavant. Ceci dit, on est malgré tout contraint dans le monde du réel tel que nous on le voit. À partir du moment où on rentre dans le monde subatomique, alors là, il y a encore plus d'informations, encore plus intriquées, encore plus enchevêtrées, et avec lesquelles on va pouvoir faire encore plus de choses. Donc c'est une autre façon de voir les choses aussi. Du reste, on réfléchit beaucoup à l'utilisation, à la nécessité d'ordinateurs quantiques pour modéliser des phénomènes quantiques, et notamment en chimie. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors si on avait un ordinateur quantique aujourd'hui disponible, très puissant, et il l'est par nature, qu'est-ce qu'on ferait avec ? Qu'est-ce qu'on calculerait ? Bon, d'abord, les éléments les plus connus, les plus perceptibles, c'est pour la sécurité. Il se trouve que en matière de sécurité informatique, les algorithmes asynchrones, qui sont les algorithmes, l'algorithme en fait, RSA, sur lequel repose toute la cryptologie, la sécurité des informations qui sont véhiculées sur Internet, mais aussi la sécurité des transactions bancaires, financières, y compris dans le domaine militaire, repose sur la factorisation en nombre premier de nombres de plus en plus importants. Deux nombres premiers énormes, on les multiplie, ça fait une clé. Voilà, on a une clé. Alors quand on les connaît, ça va, on peut déchiffrer, mais quand on n'a que le nombre et qu'il faut le factoriser, là, il faut avoir des puissances de calcul très importantes. Et plus le nombre est grand, plus il faut de temps. Ça peut se compter en années pour factoriser ce nombre, et ce qui protège évidemment les réseaux. Alors un ordinateur quantique, avec notamment, ça a été l'un des premiers algorithmes qui a été mis en œuvre par Shor, qui est un professeur du MIT dans les années 90, ça a été précisément de démontrer que un ordinateur quantique pourrait précisément factoriser de façon extrêmement rapide n'importe quel nombre. Il pourrait casser les codes. Et donc évidemment casser les codes en quelques secondes, quelques minutes, ce qui fait que c'est tout le système, le software auquel on faisait allusion tout à l'heure, deviendrait une réalité immédiate. On ne pourrait plus travailler dans un monde protégé. Ce qui fait que les agences de sécurité, et on travaille beaucoup avec les agences de sécurité, nous demandent déjà de travailler sur de nouveaux types d'algorithmes qui résisteront à des ordinateurs quantiques. Et vous voyez, c'est la première fois dans l'histoire de l'informatique, qui est assez récente, où on commence à réfléchir, à programmer, à se mettre dans un monde comme si ces ordinateurs existaient déjà, pour pouvoir les utiliser, alors qu'ils ne sont pas encore en application. Et on sait même pas pouvoir si se protéger. Ouais. Et on sait même pas s'ils verront le jour, dans les années qui viennent. On y reviendra. Je suis moi convaincu qu'on verra des applications spécifiques. On pourra peut-être avoir des accélérateurs quantiques. L'ordinateur quantique lui-même, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, nous travaillons par exemple avec l'ANSSI, qui est l'Agence nationale pour la protection des systèmes d'information en France, pour réfléchir déjà à des algorithmes. Alors on avait appelé ça post-quantique, mais enfin c'est des algorithmes qui résisteraient à des attaques d'ordinateurs quantiques. L'armée américaine et la NSA investissent beaucoup d'argent sur ces questions. Alors pour l'ordinateur quantique, il me semble qu'il y a quand même un problème de taille, si j'ose dire, c'est que la physique quantique concerne plutôt l'infiniment petit, et quand on augmente la taille d'un système, le nombre de degrés de liberté du système, il y a des effets produits par l'environnement qui provoquent ce qu'on appelle une décohérence. C'est-à-dire que le système perd ses propriétés quantiques. Ça veut dire que pour pouvoir faire des ordinateurs quantiques, il faudra trouver un moyen de lutter contre cette décohérence. Est-ce que c'est pas là le problème principal? Alors c'est effectivement aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est quelque chose qui est absolument passionnant, et ce qui nous passionne, nous chez Atos, c'est que c'est pour la première fois depuis longtemps qu'on réunit ces mondes des informaticiens et des physiciens et des physiciens théoriques. On a monté beaucoup d'alliances, nous-mêmes, chez Atos, avec, par exemple, le laboratoire de Daniel Esteve, au CEA, qui travaille, lui, sur des qubits très refroidis, donc à base d'atomes de diamant. On a développé également des collaborations avec le laboratoire LKB de l'UPMC. Kassler-Brossel, à l'école normale. Voilà, qui a abrité du reste un nombre important de prix Nobel, dont Serge Haro, qui fait partie de notre comité scientifique. Et alors là, c'est de la photonique quantique. On travaille également à Innsbruck avec les qubits à ions piégés. Du professeur Rainer Blatt, qui à mon avis est sans doute l'une des pistes les plus prometteuses aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a la possibilité, c'est tellement compliqué d'abord de créer ces qubits, d'éviter qu'ils soient en contact finalement avec le monde extérieur, car dès qu'ils sont en contact avec le monde extérieur, évidemment, on perd la cohérence, d'où la nécessité de les refroidir pour beaucoup d'entre eux. Photonique, c'est autre chose. Et puis, le fait de pouvoir les faire travailler pendant un certain temps. Alors, on a quelques minutes. Certains disent maintenant peut-être quelques heures, notamment avec les ions piégés. Mais on est encore très, très loin du fonctionnement 24 heures sur 24 de nos machines. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudra avoir dans un premier temps, non pas un ordinateur quantique généraliste, purement quantique, mais peut-être plutôt des accélérateurs, des accélérations de traitement de calculs spécifiques qui peuvent être faits par la spécificité des ordinateurs quantiques. On a développé des algorithmes aujourd'hui, quatre types d'algorithmes. D'abord, l'algorithme de Shor, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet donc de factoriser, d'utiliser la puissance quantique pour factoriser n'importe quel nombre premier en quelques fractions de seconde. L'algorithme de Grover, qui est très important aussi, qui permet, dans une liste complète aléatoire, d'aller identifier, d'aller chercher une information particulière. Et puis deux autres algorithmes, l'un qui permet de réaliser des transformées de Fourier extrêmement rapidement, qui s'appelle DFT Quantine, et puis l'autre qui permet la résolution de systèmes linéaires pour des matrices, qui s'appelle HHL. Et ces quatre algorithmes vont nous permettre de concevoir des machines qui vont travailler spécifiquement uniquement sur des fonctions très particulières pour accélérer les machines traditionnelles. Et vous voyez que finalement, la loi de Moore, on va peut-être essayer de pouvoir la prolonger, ou en tout cas prolonger ses effets plutôt. Avec d'autres technologies additionnelles. C'est sur ces domaines-là, dans ces domaines-là qu'on travaille aujourd'hui. Mais les physiciens qui vous entourent, on a parlé d'Alain Aspect, Serge Haroche, Cédric Villani qui est mathématicien, est-ce qu'ils sont aussi optimistes que vous? Alors, moi je suis plutôt... Prenons-les un par un si vous voulez bien. Parce que je me souviens d'articles de Serge Haroche qui était très sceptique il y a une quinzaine d'années. Alors Serge Haroche est sceptique, maintenant il est un petit peu moins. Sur l'ordinateur purement quantique, Daniel Esteve aussi est assez sceptique. Alain Aspect évidemment fonde beaucoup d'espoir sur la photonique quantique. Cédric Villani, lui, est plus intéressé sur l'algorithmique, la définition de nouveaux langages. Et nous sommes, on est des industriels, donc on est par définition obligé d'être très réaliste. Bien sûr, on se projette dans un temps long, mais on se doit d'avoir des résultats assez rapides, parce que c'est notre raison d'être. Et donc, on a décidé d'avoir une approche qui est différente pour aider précisément la communauté scientifique et des physiciens à continuer à travailler pendant les années et peut-être même les dizaines d'années nécessaires à la mise en œuvre de ces qubits stabilisés, on va dire ça comme ça. On a décidé de simuler sur nos systèmes une machine quantique. Et donc on a construit, on appelle ça QLM, Quantum Learning Machine, donc sur une machine, on a simulé ce que serait réellement un ordinateur quantique, avec donc aujourd'hui, on simule 38, 39, 40 qubits. C'est ce que vous appelez un simulateur quantique, je crois. C'est un simulateur, voilà. Mais qui fonctionne avec des machines classiques. Qui fonctionne sur avec des ordinateurs comme chacun d'entre nous peut comme en avoir. Comme chacun d'entre nous, mais avec donc les ordinateurs classiques qui fonctionnent avec quatre portes logiques. Le « et », le « ou », le « non » et le « ou » exclusif. Et là, les ordinateurs quantiques vont fonctionner également avec quatre portes, mais qui sont des portes... Alors, la porte de Pauli, qui est la fonction « non », la porte de Hadamard, transformée de Fourier, la porte du « ou » exclusif, contrôle note. Alors, elle fonctionne avec deux qubits intriqués. Et puis, la porte du « ou » exclusif. Et en fait, avec ces quatre portes, on crée un nouveau langage, un peu en assembleur. Vous vous souvenez, on a le même âge, Étienne Klein, on a commencé à travailler, on programmait en assembleur. Oui. Et là maintenant, on fait travailler les nouveaux ingénieurs. C'est pas de bons souvenirs. Oui, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour avoir des langages plus évolués à travers les compilateurs qu'on a créés. Et puis ensuite, des langages de plus en plus sophistiqués. On en est là. Et donc, on va fournir à la communauté scientifique ces calculateurs, donc qui sont vraiment des vrais ordinateurs quantiques, dans leur, je dirais, dans leur perception, dans leur manipulation, qui nous permettent, alors qu'ils ont deux intérêts en plus par rapport à un ordinateur quantique traditionnel, c'est qu'on peut faire et refaire la mesure sans pour autant perdre l'effet quantique, puisqu'en fait on a des matrices qu'on va modéliser au sein de nos machines, et puis donc on peut mesurer sans perturber le processus. Et puis évidemment, on a un accès immédiat aux résultats attendus. Alors pourquoi 38 ou 40 bits ? Parce que qubits, pardon, parce que 38 ou 40 qubits, 40 qubits, on est pratiquement aux limites des machines les plus puissantes d'aujourd'hui, de puissance 40. Traitement simultané. Et vous voyez que quand on commence à réfléchir à des machines à 100 qubits ou à 200 qubits, on va voir. C'est là où on va peut-être passer un jour ce qu'on appelle la suprématie quantique, c'est-à-dire rentrer dans une autre dimension de calcul. Mais entre-temps, il nous faudra donc des ingénieurs qui vont savoir commencer à programmer précisément dans ces nouveaux langages une approche totalement différente des langages séquentiel von Neumann, qui était... Ce qu'on a appris à l'école. Ce qu'on avait, nous, appris à l'école, et de façon très cartésienne et linéaire. Et là, de façon, évidemment, beaucoup plus holistique, on va dire. C'est absolument passionnant de les voir programmer. Ils raisonnent plus comme nous. Et moi, je souhaite que, avec d'autres, on contribue précisément, progressivement, à former. Vous voyez, c'est intéressant. Avant même que les ordinateurs soient là, on commence déjà à inventer des langages qui nous permettront de rentrer en communication avec ces ordinateurs. Parce que la communication avec le monde quantique va nécessiter des langages et des approches tout à fait différentes. Bon, moi je vous sens très enthousiaste, je m'en réjouis pour vous d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut pas retomber un peu sur Terre en prenant un exemple assez simple pour montrer la différence qu'il y a entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique, en prenant une métaphore que je vous ai entendu citer. On a une salle dans laquelle il y a à peu près 1000 personnes et on veut savoir combien dans cette personne ont les cheveux bruns et font plus d'1m80 en taille. Oui, alors ça c'est l'approche simpliste, mais enfin qui est parlante effectivement d'une approche séquentielle linéaire par rapport à une approche plus holistique. Alors évidemment la première approche, et vous avez ces 1000 personnes, ben vous allez prendre le premier, vous allez regarder ses yeux, ses cheveux, le mesurer, et puis le second, et puis le troisième, et puis vous allez passer plusieurs centaines de minutes, milliers de minutes à le faire, et vous aurez à la fin le résultat exact. Puis la deuxième approche, c'est de demander tout simplement à la salle qui parmi vous mesure plus d'un mètre 80, a les yeux bleus et les yeux noirs. Bon, vous avez trois personnes qui lèvent la main. Vous reposez la question, parce que c'est pas sûr. Peut-être qu'il y en a un qui mesurait qu'un mètre 78 et puis il a pensé qu'il mesurait 1m80. Alors vous le reposez trois fois, quatre fois. Puis d'un point de vue probabiliste, après, en quelques minutes, eh bien vous avez le résultat. En postulant la sincérité de ceux qui répondent. Vous pouvez éventuellement les mesurer ensuite, si vous voulez vérifier, parce que la double mesure et la correction des codes quantiques est un élément aussi très, très important. Thierry Breton, c'est le moment de passer le deuxième morceau de musique que vous avez choisi. Il s'agit de l'ouverture du petit opéra Cavaliera Rusticana de Pietro Mascagni, morceau qui date de 1890. Thierry Breton, pourquoi ce choix ? Ce choix, d'abord, c'est un choix personnel, parce que c'est la première fois, j'étais très jeune, que j'ai entendu un opéra, que j'ai vu un opéra, c'était Cavaliera Rusticana. C'était à New York, et c'est lui qui m'a donné la passion de l'opéra. À New York, parce que vous étiez professeur d'informatique au lycée français ? Je faisais mon service militaire, oui. En tant que professeur d'informatique et de mathématiques au lycée français. Pietro Mascagni, il avait 27 ans quand il a composé cet opéra. C'est aussi un petit clin d'œil pour vous, Étienne Klein. Ah. Parce que il a été composé en 1890. Et pendant les 20-30 ans qui ont suivi, c'était sans doute l'un des morceaux les plus célèbres au tournant du siècle. fait par un jeune de moins de 30 ans. Ça vous rappelle rien ? Si, si, un petit voilà. Einstein ou ça vous l'équivalent. Einstein, ça vous rappelle des Schrödinger, ça vous rappelle des Heisenberg, ça vous rappelle des Pauli, ça vous rappelle tous ces jeunes Européens au tournant du siècle qui ont de façon tout à fait extraordinaire, ils avaient tous moins de 30 ans. On dirait aujourd'hui, Étienne Klein, que c'était des gamins. Oui. Et ils ont conçu les bases de cette physique quantique qui marche. Et voilà, ils écoutaient sans doute aussi Pietro Mascagni et ce petit opéra qui se passe en Sicile. Merci pour l'allusion. Alors justement, la physique quantique, c'est quand même un monde qui semble, à ceux qui le découvrent, complètement surnaturel. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver avec des mots à raconter ce que disent les équations de la physique quantique ? Des mots, des bandes dessinées. Alors j'ai trouvé un texte qui peut-être vous intéresserait de Lévi-Strauss. C'est en fait un recueil de chroniques qui s'intitule « Nous sommes tous des cannibales ». Et ce que dit Lévi-Strauss, c'est que les peuples sans écriture, qu'il étudie, essaient de se figurer le monde surnaturel en inventant des mythes. Et Lévi-Strauss explique qu'il a trouvé un mythe raconté par des Indiens Sénécas. Les Sénécas, c'était des Indiens de la Confédération iroquoise. Et ce mythe raconte quelque chose qui a à voir, dit-il, avec la physique quantique. Et il pense que ce mythe peut aider à la comprendre. Alors, je le résume. Une jeune fille a consenti à épouser un homme qu'elle sait être le fils d'une sorcière. Et elle suit cet homme jusqu'au village de la sorcière. Voilà ce que raconte le mythe. Le mari marchait en tête quand ils arrivèrent à un point où le sentier se divisait en deux pistes, formant une sorte d'anneau allongé qui se refermait au loin. À sa grande surprise, la femme vit son mari se dédoubler et l'un des deux corps suivre la première piste, l'autre partie la seconde. Elle en fut stupéfiée et ne savait plus quelle voie elle devait emprunter. Elle choisit celle de droite et constata bientôt que les deux pistes se rejoignaient et qu'à cet endroit, les deux corps de son mari avaient à nouveau fusionné. De là, dit-on, vient le nom de cet étrange personnage qui signifie « ils sont deux voies qui courent parallèlement ». Bref, elle avait épousé un mari quantique. C'est une très belle allégorie. C'est effectivement, je ne la connaissais pas, mais oui, c'est vrai que on exprime peut-être aussi ce qui se passe en nous. Il y a évidemment en nous des phénomènes quantiques. Notre cerveau, par exemple, est souvent dans un état superposé. On hésite entre plusieurs états possibles, plusieurs décisions. Bien entendu, et puis, alors là, on le ressent au niveau macroscopique, mais au niveau microscopique, évidemment, il se passe évidemment des phénomènes quantiques dans la matière, et donc en nous. Alors ce qui est fascinant avec la physique quantique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que quand on a un état superposé, donc un état qui est la somme de deux états, si on fait une mesure, il n'y a qu'un des seuls termes de la somme qui s'actualise. C'est le chat de Schrödinger. Voilà, c'est le chat de Schrödinger. Et pour le faire comprendre, il y a aussi un mythe qui a été raconté par Alexis Greenbaum dans un livre qui s'appelle Le plus grand des hasards. Voilà ce que dit ce mythe. Un roi, plutôt une légende d'ailleurs, un roi apprend qu'un homme sage habite dans son royaume, il le convoque et décide d'éprouver sa sagesse. Quand il arrive, le roi lui tend sa main gauche et lui dit « J'ai dans la main un oiseau, dis-moi s'il est vivant ou mort. » Le sage sait que s'il répond « Il est vivant », le poing du roi écrasera l'oiseau et le tuera. Il sait aussi que s'il dit « L'oiseau est mort », la main du roi s'ouvrira et l'oiseau s'envolera vivant. Dans les deux cas, sa réponse apparaîtra fausse et sa réputation d'homme sage sera anéantie. Alors il réfléchit un court instant et répond au roi, « Sire, la réponse est dans votre main. » C'est très beau, mais là vous voyez qu'on n'est pas exactement dans une logique quantique, car il y a des jeux de pouvoir. Il y a des jeux de pouvoir et on est en permanence corrélé précisément avec ces jeux de pouvoir. Alors, on parlait tout à l'heure de ce que pourrait faire l'ordinateur quantique. À quelle distance, à votre avis, est-on de sa réalisation, s'il est possible de le faire ? Est-ce que c'est une affaire d'années, de décennies, de siècles ? Personne ne peut répondre à cette question, aujourd'hui. Ce qui est en revanche certain, c'est que on commence à voir fonctionner un certain nombre de qubits ensemble. Je parlais tout à l'heure de ce qui se passe au laboratoire LKB, donc c'est la photonique quantique, où là on peut intriquer des réseaux de neuronaux de plusieurs centaines, voire milliers même, de qubits photoniques. Innsbruck, on a maintenant, avec le professeur Blatt, une vingtaine de qubits à ions piégés qui fonctionnent, on les a vus fonctionner, et ils fonctionnent clairement quelques heures. Alors on est encore une fois au tout début. Non, ce que nous croyons, nous en tout cas aujourd'hui avec nos collaborateurs et les scientifiques d'Atos, c'est que on verra peut-être dans la décennie qui vient des accélérateurs sur des domaines très particuliers. Je parlais des algorithmes tout à l'heure de Shor, de Grover, qu'on va pouvoir peut-être exploiter. Et c'est très important parce que, je dirais, en amont d'une machine, l'algorithme de Grover nous permet, en utilisant précisément les propriétés quantiques, nous permet d'aller identifier, d'aller trouver très très vite une information particulière dans une liste massive. Et évidemment, vous imaginez pourquoi aujourd'hui, qui travaille sur ces questions? Google, évidemment. Vous imaginez pourquoi Google travaille dessus, Microsoft travaille dessus, IBM travaille dessus, nous travaillons dessus, les Chinois travaillent dessus. La Commission européenne a décidé, et je m'en réjouis à l'occasion du Quantum Manifesto, de dégager maintenant plus d'un milliard, 1,3 milliard d'euros sur des applications et des investissements quantiques. Donc les investissements commencent à être là. Aux États-Unis, vous imaginez bien qui finance massivement les recherches de ces laboratoires. Évidemment, c'est la DARPA, c'est l'armée américaine, et c'est la NSA, la National Security Agency, donc qui est le pendant de la CIA, mais dans le domaine de l'information. Le gouvernement chinois mobilise beaucoup d'argent aussi. Donc on commence à voir les choses. Il y a combien? Il y a peut-être, on a évalué peut-être à 3000 scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur la planète dans ces domaines, donc c'est encore assez restreint. Ce monde se connaît bien. Donc moi j'ai bon espoir que dans les 10 ans qui viennent, on commence à voir peut-être des accélérateurs quantiques. J'ai bon espoir surtout que nous ayons déjà développé des langages donc sur nos propres systèmes. Et donc vous voyez, c'est une toute nouvelle façon de programmer, d'appréhender donc notre environnement informationnel. Alors, si la loi de Moore ne fonctionne plus, ou en tout cas moins, sur l'intégration des circuits intégrés, la loi de Moore, elle fonctionne dans le nombre d'informations que nous générons, que notre activité humaine génère. On double le nombre d'informations tous les 18 mois, depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Ces informations, on se rend bien compte qu'elles vont servir à quelque chose, on ne sait pas encore trop à quoi. Et on commence à le faire, à les utiliser notamment dans tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, en phase d'apprentissage, dans les machines qui apprennent précisément. C'est ce qu'on appelle le machine learning. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Donc on a besoin de très très très très grosses puissances de calcul, par exemple, pour apprendre progressivement à générer des algorithmes qui vont être très très fin en reconnaissance faciale, en reconnaissance d'individus, par exemple, détection de fraude, par exemple sur les réseaux bancaires, recherche sur le cancer avec des informations qu'on peut cumuler. Et ça, c'est évidemment ces informations. Donc, on ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire. On sait que ça va être un gisement absolument formidable. Le nombre d'informations qu'on va créer en 2020, ce sera de l'ordre de 40 zettabytes. 40 zettabytes, c'est 40 000 milliards de milliards d'informations. C'est plus que, par exemple, tenez, c'est plus que d'étoiles aujourd'hui dans les galaxies visibles. Dans les galaxies, dans l'univers tel qu'on le perçoit ou qu'on l'imagine aujourd'hui. Et ça, évidemment, il va falloir traiter ça. On est donc au tout début de la révolution informationnelle. On est au tout début. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, j'avais deux questions qui restent à poser à l'homme que vous êtes, Thierry Breton. La première, c'est sur le simulateur quantique dont vous parlez. Combien d'ordinateurs classiques sont mis en jeu dans cette affaire? Et quel genre de résultats avez-vous pu déjà obtenir? Alors, le simulateur quantique, pour nous, tel qu'on le conçoit, on le fait sur un serveur, qui est un très très gros serveur, qui est un condensé de nos supercalculateurs, qu'on appelle le Bullion. Donc on a complètement intégré dedans, c'est un ordinateur qui fait à peu près 1 mètre cube, et on a intégré toutes ces fonctions dont je parlais tout à l'heure. Il y a 13 portes quantiques, donc de base essentielle à la programmation générique. Donc on a donc développé un langage qu'on a appelé sur ces machines l'ACASP, ça veut dire Atos Quantum Assembly Language. Donc vous voyez, c'est le nouveau langage d'assembleur, donc pour commencer à programmer donc avec les nouvelles portes quantiques, donc ces machines. Ce sont des machines qui sont pas qui sont pas énormes, mais extrêmement puissantes. C'est parmi les plus puissantes au monde aujourd'hui. Pour une raison simple, vous allez le comprendre, hein, on modélise évidemment un état quantique, c'est-à-dire qu'on prend donc dans la fonction d'onde qui va caractériser un qubit, évidemment, on va stocker, comme dans un espace de Hilbert, hein, bah, toutes les superpositions possibles, et on va jouer ensuite avec ces gigantesques matrices, ce qui fait qu'on est limité évidemment par la taille de nos ordinateurs aujourd'hui, même les plus puissants, ce qui explique qu'on ne peut simuler que 39, 40. Daniel Estève nous dit qu'on aura beaucoup de mal à faire plus que 42. On va essayer de monter, parce que là, évidemment, on est à la limite des machines traditionnelles pour simuler la puissance quantique de ces ordinateurs. J'attends beaucoup de ces nouvelles réflexions, de même que pour la mise en œuvre de nouveaux algorithmes. Grover et Shor, ils ont mis leurs algorithmes sur pied, je dirais, de façon purement mathématique. Là, on va commencer à avoir vraiment un instrument important pour commencer à simuler, à travailler, je vais dire presque en situation réelle, donc sur ces ordinateurs quantiques. Et puis il y a une deuxième utilisation qui est très importante et qui va servir précisément les physiciens cette fois-ci, aux physiciens à accélérer la mise au point des propres ordinateurs purement quantiques, et peut-être généralistes un jour, c'est la fonction de calibrage. Quand vous commencez à travailler à 20 qubits, et que vous commencez à avoir des résultats, il faut calibrer, et donc nos simulateurs vont permettre de calibrer, d'aider les physiciens dans leur laboratoire à calibrer ces nouveaux prototypes. Donc ça va être aussi également un instrument qui va permettre de travailler dans les 10, 20 ans, 30 ans qui viennent. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va complètement changer la façon de faire de la science? Et que même l'acte théorique, le fait de poser une théorie, va être abandonné au profit du fait qu'on va chercher des corrélations dans les données, des espèces de lois générales qui seront extraites grâce au fait que des logiciels intelligents auront prélevé dans les comportements des consommateurs, des indices boursiers, des embouteillages. C'est une extension, voilà. Bien sûr, c'est une extension. C'est pas, ça va... Je ne dirais pas que ça va changer. Ce que je veux dire, c'est que ça étend. Ça quand étend, Einstein évidemment. A écrit la relativité générale, on parlait d'Einstein tout à l'heure, et en 1915, théorie de la gravitation, qui sert à la cosmologie d'aujourd'hui, il n'y avait pas de données. On ne savait même pas d'où vient que les étoiles brillent. Il a écrit des équations, et un siècle plus tard, on a beaucoup de données, et les équations sont toujours là, et ont même permis, dans les données, de voir des phénomènes qu'il avait pu prévoir. Comme, et elles fonctionnent comme les ondes gravitationnelles. Comme les ondes gravitationnelles. Mais réciproquement, si on avait eu les données, mais pas la théorie, est-ce qu'on aurait pu trouver la théorie à partir des données? C'est une très bonne question. Personnellement, je pense que c'est deux voies parallèles. C'est deux voies parallèles. On continuera à avoir besoin de cette génération admirable du début du XXe siècle. Et il y en aura. Mais on aura également une capacité totalement étendue. Vous savez, j'avais de travailler dans le temps. Je connais vos réflexions sur le temps. Moi, quand j'ai démarré comme jeune informaticien, j'avais le sentiment physique d'être un mineur du temps. On prenait une seconde et on travaillait la seconde. On a travaillé en profondeur. Et de ce travail, on extrayait de l'information. Et c'est cette information qui permettait ensuite de faire un certain nombre de tâches. Voilà, on a continué malgré tout à explorer cette nouvelle dimension, qui n'en est pas une du reste, celle du temps, pour créer de nouvelles perspectives. Mais il faudra évidemment avoir des lois fondamentales. Je pense que c'est deux domaines qui vont se superposer. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont inquiets des mots qu'on a beaucoup utilisés dans l'émission, intelligence artificielle, big data, numérisation, on a parlé de deep learning, de machine learning, on a même parlé simplement d'accélération, qui est un mot qui peut faire peur. Quel genre de futur ça va engendrer ? Mais Étienne Klein, on a très rapidement abordé cette question au début de notre conversation, lorsque j'indiquais que l'activité humaine s'est d'abord déployée sur deux dimensions, et puis ensuite on a une troisième, si on peut dire, qui était l'espace, une deuxième qui était l'espace maritime, une troisième qui était l'espace aérien, on parlait de l'espace tout court, et puis désormais il y a cette quatrième environnement dans lequel on évolue, qui est l'espace informationnel. On en est au début, évidemment. Tout est à construire dans cet espace. On voit qu'il est fortement créateur de richesses. Il faut réapprendre à s'approprier ces richesses, à se les partager, à les redistribuer, à les protéger, à vivre dans ce quatrième espace, là aussi. C'est évidemment l'enjeu de toutes les générations qui vont venir. Tout est à inventer dans ce quatrième espace informationnel. C'est vrai que quand on n'invente pas, eh bien c'est le Far West. On en est au Far West. Alors, en disant en début d'émission, Thierry Breton, que vous avez écrit dans votre jeunesse deux romans, est-ce que vous avez un projet de roman aujourd'hui ? Et si oui, de quoi parlerait-il ? Est-ce que vous êtes sur le chantier d'un Vatican IV ? Le premier s'appelait Vatican III. Non, j'ai terminé, mais il n'est pas encore publié, mais... Un livre tout à fait différent sur une réflexion, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, au fond j'ai plusieurs passions en parallèle, et notamment l'histoire aussi, et j'ai essayé de réfléchir quels ont été les grands renoncements qui ont marqué l'évolution de notre pays. Alors j'ai fini un livre qui s'appellera « Les 10 renoncements qui ont fait la France ». Ça commence par la révocation de l'édit de Nantes. Pour le protestant que je suis, je me devais de commencer par là, surtout après avoir écrit Vatican III. Et ça termine par... Donc je me suis trompé au début quand j'ai dit que vous ne vous intéressiez qu'au futur. Le passé vous intéresse. Oui, c'est aussi comme ça qu'on peut encore mieux éclairer le futur ou le présent immédiat, et notamment dans notre pays. Je vous ai présenté comme un être délocalisé, quantique, et je vous remercie d'avoir passé de façon très localisée, une heure dans ce studio. Merci Thierry Breton. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Clotilde Thomas et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.